Regardez gratuitement le film d'action Equalizer 2 sur Papistriam. Equalizer 2 a une mise au point légèrement différente de celle du premier film, qui était un thriller d'action. Robert McCall revient pour livrer sa marque spéciale de justice d'autodéfense lorsque des voyous tuent son ami et ancien collègue.